Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Alors que la Commission des Nations Unies a enquêté sur les droits de l'homme au Burundi, présente son rapport ces 18 et 19 septembre lors de la 36e session du Conseil des droits de l'homme. Des organisations de la société civile burundaise viennent d'adresser une correspondance aux représentants permanents des États membres et des observateurs permanents du Conseil des droits de l'homme à l'ONU de Genève pour demander le renouvellement du mandat de cette commission. Et trois personnes ont été tuées dans différentes circonstances et à différents endroits, notamment dans les provinces Gitega, Bujumbura et ici en mairie de Bujumbura. Et des détenus du cachot du commissariat de Mwaro se sont évadés cette nuit de lundi à mardi, profitant de la tombée d'une pluie intense et de la coupure du courant électrique. Alors que le lycée Moussinzila de la ville de Gitega a été choisi pour abriter l'école d'excellence, les cours n'ont pas encore commencé à cette école par manque de professeurs. Et ceux qui étaient là attendent toujours d'être mutés. Et dans la chronique santé, une rediffusion, nous reparlons de la ménopause avec des éclairages qui seront donnés par Dr Deo Gracias Nukamazina. Il est gynécologue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour. La commission d'enquête sur le Burundi et son président Fatsa Ougergouz présente à Genève les 18 et 19 septembre, lors de la 36e session du Conseil des droits de l'homme, un rapport qui devrait confirmer que les graves abus se poursuivent au Burundi. Entre-temps, des organisations de la société civile burundaise, dont celles qui ne sont plus légalement reconnues par les autorités, viennent d'adresser ce 19 septembre 2017 une correspondance aux représentants permanents des États membres et des observateurs permanents du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève pour leur demander de soutenir une résolution renouvelant le mandat de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi et d'appeler le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à explorer pendant sa 36e session toutes les options pour assurer la responsabilité des crimes documentés par la Commission, y compris, conformément à sa recommandation, l'ouverture d'une enquête par la Cour pénale internationale CPI, dont le bureau du procureur a annoncé l'ouverture d'un examen préliminaire le 25 avril 2016. Ces organisations sollicitent au Conseil de demander la suspension du Burundi, du Conseil, ou, au minimum, de demander explicitement à l'Assemblée générale d'examiner la question. On n'a pas encore réussi à joindre la délégation burundaise pour réaction. Trois corps ont été retrouvés dans différents coins du pays, notamment dans les provinces Gitega, Bujumbura et en mairie de Bujumbura, depuis l'après-midi de ce lundi jusque ce mardi matin. Selon des sources policières, deux des victimes auraient été poignardées alors qu'une autre aurait été étranglée. Et à Mwaro, la police parle de l'évasion de six détenus du cachot du commissariat de Mwaro. Récapitulatif de cette passe sécuritaire avec Placide Niyomwongere. Selon la police burundaise, le premier corps a été découvert dans une fosse septique vers 13h de son lundi dans le quartier Charama, mairie de Bujumbura. Celui-ci serait d'un originaire de Mukike, connu sous le nom d'Omvukabanga Félicien, qui gardait une maison de la localité et en même temps vendeur du charbon. La police précise que ce corps présente des signes que la victime a été égorgée et que deux personnes sont déjà sous interrogatoire. Juste à côté, dans la zone de Gatumba, en commune Mutimbuzi, en élève de la classe de 8e année a été trouvé mort. Selon la police encore, il a Zagira Élisée, dont son corps a été retrouvé allongé sur une natte, a été tué à coups de couteau. Au centre du pays, un autre corps d'une personne âgée a été découvert sur la colline Mulima de la commune Yansoro dans la province de Gitega. La police indique que Nungwanayo Anastasie a reçu des coups de couteau lorsqu'elle se rendait dans un pâturage à la recherche de l'herbe pour son troupeau. Au mois où des conflits fonciers et la sorcellerie serrée redoute la police à l'origine de son meurtre, quatre personnes, dont trois bergers qui étaient dans les parages, subissent un interrogatoire. Et enfin, dans la province de Mwaro, la police parle de l'évasion de six détenus du cachot de commissariat. Ces prisonniers, dit la police, ont profité de l'effondrement d'une partie de cette maison de détention suite à une pluie torrentielle qui s'abattait dans la localité pour prendre le large. La police indique que des enquêtes sont en cours, à commencer par les éléments de la police qui montaient déjà la garde. Placide Niyomwongere, l'actualité, c'est également le retour de réfugiés de la Tanzanie, précisément du camp de Nduta. Ce nombre a plus de 500 réfugiés, plus de 130 familles qui sont attendues. Ces personnes doivent atterrir au camp de transit de Gatara, en commune Mabanda de la province Makamba. Elles devront passer là-bas environ 48 heures avant de retourner chez elles. Elles reçoivent un kit de nourriture pour 3 mois et 40 $ aux adultes et 20 $ aux mineurs. Nous aurons les détails dans la soirée. Et le transfert de connaissances et de culture est l'un des avantages du rassemblement des opérateurs économiques. Cela a été dit par le premier vice-président de la République du Burundi, Gaston Sindimgo. C'était lors de l'ouverture solennelle de l'exposition organisée par l'ambassade kényane au Burundi ce mardi. Suivez-le. Ce genre d'activité apporte des apports parce qu'il y a l'échange d'expérience, l'échange de façon comment faire. Et aujourd'hui, quand on voit les investisseurs kenyans, ils sont déjà avancés. Comment appeler les Burundais à être de la même façon que les Kenyans? Ça, c'est une expérience où on va changer les expériences et avancer ensemble pour le développement de notre pays. Encore, quel est l'apport de ce genre d'activité? Cela montre, quand quelqu'un vient ici, ça montre que le pays, le Burundi, va bien et qu'aujourd'hui, nous tournons la page vers le développement. Que les gens ne soient pas distraits de ceci ou cela, que tous se mettent ensemble pour le développement de notre pays. Et pour les entreprises, c'est aussi la promotion des entreprises, parce que les entreprises burundaises puissent nouer des relations avec les entreprises de la République de Kenya pour pouvoir promouvoir cette économie. Sachez que cette exposition prendra fin le 24 septembre prochain. L'actualité de l'éducation, les professeurs du lycée Moussinzila de la ville de Gitega ne savent pas encore où ils iront durant cette nouvelle année scolaire. Ce changement de lieu de travail est dû au fait que ce lycée a été choisi pour abriter l'école d'excellence. Cela étant, les élèves de cette école d'excellence commencent la deuxième semaine sans étudier, faute de professeurs, comme le rapporte notre correspondant Arthur Kavabouchi. Les professeurs qui enseignaient au lycée Moussinzila viennent d'autoriser une semaine de jours sans savoir où ils iront travailler durant cette nouvelle année scolaire 2017-2018. Selon ces professeurs, ce changement du lieu de travail est dû à l'implantation de l'école d'excellence dans les enceintes du lycée Moussinzila et ils passent leur journée devant le bureau du directeur dans l'attente d'une réponse. Cela étant, les élèves de l'école d'excellence sont déjà arrivés, mais ils passent leur journée en classe sans rien faire car leurs professeurs ne sont pas encore arrivés. Cependant, ils continuent à être nourris et ils sont suivis par les anciens encadrés du lycée Moussinzila qui leur donnent des livres de lecture les avant-midi et les après-midi. Ces professeurs demandent à ceux qui ont le ministère de l'Éducation dans leurs attributions de leur donner la réponse à leurs questions car les responsables de la province scolaire de Gitega leur ont indiqué que leur question est déjà à la table du ministère. Sachez que tous les anciens élèves du lycée Moussinzila ont été orientés dans différentes écoles de la ville de Gitega et les autres au lycée Bukira Sazi et Gishuwi. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Et beaucoup d'effectifs des élèves se remarquent dans les différentes écoles publiques de la mairie de Bujumbura. Comme certains directeurs de ces écoles le soulèvent, ils disent qu'ils sont dépassés par ces effectifs des élèves orientés, surtout en 7e année et en première année post-fondamentale. Tels sont les cas que nos reporters ont pu observer au lycée municipal de Moussaga et à l'école fondamentale de Kenyosha 1. Vous aurez les détails dans notre édition de la soirée. Et plus de 2500 élèves indigents des 9 communes de la province Ngozi bénéficient de la part de la Croix-Rouge d'une aide composée de cahiers. Chaque élève reçoit entre 7 et 16 cahiers, suivant la classe qu'il fréquente. Les bénéficiaires saluent ce don qui leur parvient selon eux à temps, juste au début de l'année scolaire. Apollinaire Mozagara. Les élèves indigents des communes Mumba, Gashikanoa et Nyamurenza sont concernés ce mardi par cette activité. Ils sont 220 à Mumba, 290 à Gashikanoa et 188 en commune Nyamurenza pour le premier degré. Chaque élève reçoit 7 cahiers, 9 pour le second degré, et 13 pour le troisième et 17 pour ceux de la 7e année fondamentale et plus. Au total, 2536 élèves indigents de 9 communes qui comptent la province Ngozi vont se partager plus de 12 000 cahiers suivant cet ordre comme l'indique Eric Guassa, chargé de ce projet au sein de l'ONG Global Fund, une ONG qui a remis son don à la Croix-Rouge Burundi. Les parents ainsi que ses élèves bénéficiaires remercient vivement les donateurs d'abord pour cette aide, mais aussi pour le fait qu'elle arrive au moment opportun, juste les premiers jours de la rentrée scolaire 2017-2018. Donc, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Isanganiro. La suite de ce journal avec cet appel à l'aide. Alicia Nhonzoenimana est un enfant de moins de 2 ans, hospitalisée à l'hôpital Roi Khaled de Kamenge. Elle souffre d'une maladie qui empêche qu'elle fasse ses besoins par voie normale. Sa mère demande aux âmes charitables de lui venir en aide afin de rassembler les 12 millions de francs burundais nécessaires pour son opération. Ornella Mucho fait le point. Alicia Nhonzoenimana, une fillette d'une année 6 mois, elle est hospitalisée à la réanimation à l'hôpital Roi Khaled de Kamenge. Sa mère fait savoir que son enfant souffre d'une maladie qui empêche la sortie des besoins par les voies normales. À 6 mois, le ventre de l'enfant commençait à gonfler. Je lui ai fait opérer à l'hôpital Roi Khaled et après, on lui a introduit une sonde car son ventre ne cessait de gonfler. Aujourd'hui, il a du mal à pisser et les urines passent par là où elle a été opérée en dessous du nombril car les urines ne peuvent pas transiter par le sexe. Je suis toujours à l'hôpital et le problème reste tel que l'enfant fait ses grands besoins à travers les côtes. C'est impossible qu'elle utilise la voie de derrière. Elle fait savoir que son enfant passe le plus de temps hospitalisé mais que son état de santé continue à se détériorer. Depuis la naissance de l'enfant, une année et 6 mois durant, c'est comme si elle est restée hospitalisée. Je ne dépasse pas 1 à 2 semaines à la maison sans qu'elle ne soit hospitalisée. Maintenant, ça fait 5 mois d'affilée que je suis à l'hôpital Roi Khaled. Le médecin qui le soigne m'a dit que seul un médecin docteur indien qui travaille au CMCK peut le soigner. Il demande 12 millions pour qu'il puisse opérer l'enfant et 30 000 pour la consultation. Je demande ceux qui le peuvent de m'aider car je suis indigente. Ceux qui veulent contribuer peuvent contacter la mère de l'enfant au numéro 79 502 522 ou bien 68 245 381. Ils peuvent également s'adresser au service réanimation de l'hôpital Roi Khaled de Kamenge. Ornella Mucho, stagiaire à notre station. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. Nous nous rendrons aux États-Unis où les pays du G5 Sahel se rencontrent ce mardi avec des représentants de l'ONU, de la France et de l'Union européenne. Le dialogue de sourds qui s'observe encore entre pouvoir et opposition au Togo, mais aussi Léon Suitalio nous parle de la visite à Kamanyola, à l'est de la RDC, du numéro 2 de la force onusienne où des dizaines de Burundais ont été tués vendredi dernier. En République démocratique du Congo, le numéro 2 de la MONUSCO, une force de l'ONU, était hier lundi à Kamanyola, au sud Kivu, où 37 réfugiés burundais et un militaire congolais ont été tués vendredi à quelques centaines de mètres d'une base des Nations Unies. L'Américain David Gressery a rencontré les familles de victimes pour leur présenter ses condoléances, mais aussi les autorités locales et coutumières congolaises. Les faits restent à établir. Pour le gouvernement congolais, qui a déjà ouvert une enquête selon RFI, ce ne sont pas de simples réfugiés burundais, mais un véritable groupe armé qui s'en est pris à un poste de l'Agence nationale de renseignement. La MONUSCO dit de son côté enquêter sur un possible usage abusif de la force, mais aussi sur le comportement de ces casques bleus. La force des Nations Unies veut s'assurer qu'ils ont agi conformément à leur mandat en RD Congo. Au Togo, la réforme est proposée par le gouvernement après les grandes manifestations ces dernières semaines est examinée aujourd'hui mardi à l'Assemblée nationale. Le texte reprend les principales revendications de l'opposition, dont la limitation du nombre de mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. Mais il est déjà critiqué. Selon le site de RFI, les opposants s'appuient sur une petite phrase de la Constitution de 1992 qui dit, je cite, « En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats ». D'ailleurs, l'opposition n'a pas prévu d'assister au débat et maintient ses appels à manifester mercredi et jeudi. RFI parle d'un dialogue de sourds. À New York, les présidents des 5 pays du Sahel ont eu une séance de travail avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président français, Emmanuel Macron, et des représentants de l'Union européenne. La BBC Afrique écrit que la délégation française avait pour objectif de sensibiliser ses alliés sur la pertinence de cette initiative africaine de lutte contre le terrorisme dans la région. Il manque encore plus de 515 millions de dollars aux pays du G5 Sahel pour rendre opérationnelle la force conjointe de lutte contre le terrorisme. Les indécis, comme les États-Unis, disent vouloir rompre avec toute dépense inutile et sans résultat. Radio Isanganiro Chronique.